Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Osez 20 histoires de plan A3 de Prax, Rita, Louise Laedec, Alibert, Héloïse Lesage, Stéphane d'Enfer, Vespertille, Clarissa Rivière, Zakia Niaoui, Juliette Dissan, M. Frost, John Black Fox, Anaël Verdier, John Faredes, Noan, Anaël, Nice Vanessa, João Miguel Baile dos Passarinhos et Eugénie d'Aragon. Lu par Marjorie T., un titre de la collection Libido. Ça te gêne ? Prax. Elaya et moi, on vit et on travaille sur la côte basque. Et parfois, Bussy nous rend visite. Bussy, c'est une copine d'Elaya. Elles se sont rencontrées en formation professionnelle à Paris. Plusieurs sessions de longue durée. Elaya, la basque, et Bussy, l'alsacienne, se sont vite entendues. Une même façon d'appréhender leur pratique professionnelle. Une bonne complémentarité dans les cas à traiter. Elles sont devenues copines. Bussy vient nous voir assez souvent. Départ aéroport Bâle-Mulhouse, arrivée Biarritz-Parme, et une demi-heure plus tard, sur la plage avec nous. Ça lui va bien. Je ne la trouve pas très belle, Bussy. Elle est grande, plutôt ronde, avec des seins massifs et un accent alsacien à couper au couteau. J'ignore où elle en est sentimentalement. Elle n'en dit rien. Je me demande si elle ne préfère pas les filles. On ne discute pas trop, en fait, Bussy et moi. Elle vient voir Elaya. Elle parle de leur travail. Moi, j'écoute d'une oreille en cuisine en basque. Bussy est une invitée parfaite. Mère Lucosquera, Axoa, Chipiron à la Louisienne. Elle aime tout ce que je mets sur la table et ne rechigne ni à éplucher les asperges ni à faire la vaisselle. Avec Elaya, on va toujours sur les plages au nord de l'Adour. Elles sont désertes. Ça a été une découverte pour Bussy la première fois qu'on l'a emmenée avec nous. Ça te gêne si on se baigne une nuit ? Bussy a répondu que non, cela ne la gênait pas. Elle garde son maillot, une pièce duquel ses gros seins veulent sortir. Elle met aussi un grand chapeau de paille qu'elle fait tenir avec un foulard quand il y a du vent. Je ne sais pas pourquoi Bussy se protège autant. Elle a les cheveux au burn, mais c'est une couleur. Elle n'a pas une peau de rousse. J'ai vu incidemment des poils rebelles s'échapper de l'entrejambe de son maillot. Ils étaient bien sombres. Elle doit juste ne pas être trop à l'aise avec le soleil. Ça me fait toujours sourire. Bussy très couverte, à côté de nos deux corps nus sur le sable. On emporte une bouteille de rosée, trois verres à pied, et on regarde le soleil se coucher derrière l'océan. Quand Bussy est en vacances chez nous, elle se débrouille. Pendant que nous sommes à nos boulots respectifs, elle prend un vélo, deux ou trois livres et va à la plage. Quand on rentre, elle a souvent préparé un petit truc à grignoter ou une grande salade. Parfois, on lui prête une voiture et elle va faire un tour à Saint-Sébastien. Les boutiques ne sont pas les mêmes qu'à Mulhouse ou en Allemagne. Je veux bien la croire. Elle craque souvent pour du Désigual très flash. Je ne trouve pas que cela lui aille très bien. D'ailleurs, à mon avis, cela ne va à personne. La dernière fois, elle avait acheté pour Elaya un petit haut de chez Zara. Ce n'était pas mal, mais trop décolleté à mon goût. Je suis un peu jaloux et je n'apprécie pas qu'on regarde les seins d'Elaya. Bussy met un point d'honneur à se lever en même temps que nous qui partons au boulot, même si elle est en vacances. Elle arrive au petit déjeuner, enveloppée dans un peignoir de coton très épais, avec la ceinture remontée presque sous la poitrine. Je la trouve beaucoup mieux sans soutien-gorge. Ses seins semblent plus confortables. Ce qu'il y a de bien le matin, c'est quand elle s'assoit et que son peignoir s'entr'ouvre sous la table. L'odeur intime de Bussy vient me flatter les narines. Ce n'est pas fort, juste une odeur douce et chaude de femme au réveil. Un tout petit plaisir innocent. Et puis, Elaya lance son expresso et l'odeur du café recouvre tout. À trois, on gère plutôt bien la salle de bain. Bussy y passe du temps le matin. Aussi, je m'arrange pour l'occuper le premier. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec deux actionnaires et leurs banquiers respectifs. Rasage, douche, chemise blanche, cravate. J'arrive au petit déjeuner avec la tenue idéale pour qu'Elaya et Bussy se moquent gentiment de moi. Il paraît que mon après-rasage ne se marie pas du tout avec l'odeur du café. De toute façon, j'ai fini, dit Bussy. Je peux utiliser la salle de bain ? Vas-y, répond Elaya. Je vais prendre un café avec mon chéri. Quand j'ai des rendez-vous pénibles, je prends un petit déjeuner copieux. L'hypoglycémie en fin de matinée, ça me met de mauvaise humeur pour négocier. Alors j'enchaîne les tartines, tandis que l'eau de la douche coule dans la salle de bain. Elaya achève son café. Je termine mon thé et je regarde l'heure. Faut que je me brosse les dents et que j'y aille. Tu crois que Bussy a fini ? Oui, l'eau ne coule plus, ça doit être bon. Je place mon mug dans l'évier, me dirige vers la salle de bain. Pas de bruit. Je toque à la porte et je rentre. Bussy est séché, habillé, en grande concentration devant la glace pour appliquer du mascara sur ses cils. Ça te gêne si je me brosse les dents ? Non, non, j'ai presque fini. Je ne la crois qu'à moitié tellement je la trouve précautionneuse avec ses paupières. Je la regarde dans la glace tandis que j'ouvre le tube de dentifrice. J'ai l'impression qu'elle recouvre chaque cil individuellement. C'est fou cette application. Les doigts qui tiennent la brosse du mascara ont des ongles parfaitement vernis. Elle est coquette, Bussy. On est silencieux tous les deux, chacun devant notre vasque, quand Elaya entre dans la salle de bain, se déshabille et passe sous la douche. Bussy et moi, on voit tout dans la glace devant nous. Elaya debout de profil, la pomme de douche levée haut au-dessus de sa tête, l'autre main qui ébouriffe ses cheveux. Elle a des seins magnifiques et aussi de jolies fesses bien fermes. Je brosse mes dents lentement pour mieux me délecter de l'image que me renvoie la glace. Du coin de l'œil, je vois Bussy, le mascara en l'air, qui n'en perd pas une miette non plus. Nos regards se croisent en ricochet sur la glace. Il s'applique encore plus lentement qu'avant sur ses cils. On termine ensemble. « À nous de San Sebastian !» lance Bussy en rangeant le mascara dans sa pochette. Son accent alsacien me fait rire. La journée prend fin. Je rentre le premier à la maison. Mes rendez-vous ne se sont pas trop mal passés, mais j'ai besoin de me débarrasser de pensées trop lourdes. Je file sous la douche froide. Ça me fait du bien. D'habitude, je traîne à poil dans la maison le temps d'être bien sec. Là, avec Bussy en vacances, je m'habille un peu avant de passer au salon. Parmi mes vinyles, je choisis un enregistrement de la Calas et je me sers un Perrier. Je joue avec la télécommande du volume pour trouver le bon niveau sur chaque morceau. J'entends Bussy rentrer. Elle apparaît avec, dans les mains, beaucoup de sacs de courses. « Salut ! J'ai trouvé plein de choses. Je pose tout ça et j'arrive. » J'entends la porte de sa chambre, la porte des toilettes, la porte de la salle de bain. Elle revient au bout d'un moment. Je baisse alors le volume, instinctivement, comme je le fais toujours avec Elaya, et je lui demande « Ça te gêne si j'écoute de l'opéra ?»« Non, tu peux laisser, je connais. » »« C'est par habitude, tu sais. Elaya déteste ça, alors je n'en écoute pas quand elle est là. »« Je n'aime pas tout dans l'opéra, mais la Calas, ça va. » Je remonte le volume. Elle me tend un petit paquet. « Tiens, c'est pour toi, des espadrilles. J'ai vu que les tiennes étaient en piteux état. » C'est vrai, je n'ai plus de talons et la semelle commence à filer de tous les côtés. Elle est attentive, en fait, Bussy. Tu veux boire quelque chose ? Elaya est en horaire décalé ce soir, elle ne rentre pas tout de suite. Alors on peut boire un coup sans l'attendre ? Tu as de la vodka ? Ça fait des années que je n'ai pas bu une vodka orange. Et là, j'ai bien envie. C'est parti. Je nous en prépare deux. Même si je n'apprécie pas tant que ça la vodka. Alors on papote sur le canapé. Je crois que c'est la première fois depuis que je connais Bussy qu'on engage une conversation sans Elaya au milieu. On parle opéra. Mais on n'est ni l'un ni l'autre connaisseur en la matière. La Calas, ça va, c'est facile. Et il se trouve qu'on a les mêmes enregistrements. Puis, avec le vieux jazz, on aborde d'autres sujets. Si, si, j'ai un vinyle original d'Armstrong, Louis and the Good Book. On le met en musique d'ambiance. Je rapporte de la cuisine mes rillettes, sardines, tomates séchées et une bouteille de Tchakoli. Bussy préfère continuer à la vodka et parvient presque à me faire un regard enjôleur pour m'en demander une deuxième. Je lui raconte la seule et unique fois où j'ai tapé un lièvre en voiture et comment je l'ai dépiauté, découpé dans la cuisine pendant qu'Elaya, enfermée dans la salle de bain, hurlait « Assassin !» Le grand-père de Bussy était chasseur, ça ne l'impressionne pas plus que ça. Elle me dit que dans le zoo de Mulhouse, il y a un couple de tigres. C'est violent, tu sais, un accouplement de tigres. J'ai toujours l'impression que la femelle va éclater la tête du mâle à coups de griffes. On papote jeu de cartes. La porte d'entrée s'ouvre. Elaya passe un coup de vent. « Je pue, je vais me doucher !» et disparaît. Bussy et moi, on continue de discuter de la valeur des contrats au tarot. Elle est nettement meilleure que moi à ce jeu. Elaya refait son apparition. « Waouh, ça fait du bien la douche! Je t'ai piqué ton peignoir, Bussy !» Effectivement, elle est engoncée dans de l'éponge. C'est bien trop grand pour elle, ça fait franchement mémère. Elle se jette, plus qu'elle ne se pose, sur le canapé entre Bussy et moi, pousse un soupir. Ah ! Contente d'être à la maison. Elle fait jouer ses épaules jusqu'à trouver sa place entre nous deux. Allez, on parle de tout sauf de boulot. Elle pose ses pieds sur la table basse. Oh, quelle horreur ! Non mais t'as vu ce poil aux pattes ? J'ai l'air d'un yéti. Elle ramène sa jambe pour me la montrer. C'est fou la vitesse à laquelle ça pousse. J'en ai marre de ces poils. Et j'ai vu sous la douche que j'en ai un vilain tout noir sur le téton. Elle écarte un peu le peignoir. « Tiens, regarde Bussy. J'ai beau l'ôter avec la pince à épiler, il revient toujours. » Bussy jette un coup d'œil sur le téton. Effectivement, il y a un poil noir qui pointe tout dru. Bussy avance un doigt, touche le poil. « Il est tout dur. » Elle me jette un coup d'œil, taquine le poil. « Il fait ressort. » Elle taquine, lutine. Ça fait rire Elaya. Et ça fait plisser l'aréole. Je suis jaloux. « Attends, moi aussi je sais faire. » Je dégage le sein du peignoir et de la pulpe de l'index, je tourne doucement sur l'aréole. Bussy me regarde faire. Elle arrête de taquiner le poil pour caresser elle aussi l'aréole. « Vous allez me faire bander les tétons !» soupire doucement Elaya, avant de se renverser en arrière et de fermer les yeux. « Je connais Elaya. Elle adore être passive. » Elle s'abandonne et n'est pas prête de rouvrir ses paupières. J'attrape le téton entre le pouce et l'index, le presse légèrement tout en tournant. L'effet est immédiat. Le téton bande. Elaya gémit. Bussy me lance un regard du genre « pas mal, monsieur » et essaye à son tour à trois doigts. L'effet n'est pas flagrant. Je risque un conseil. « Plus fort !» Bussy ne se vexe pas. Et elle serre le téton tout en tirant légèrement. Elaya soupire. Le téton bande. Tout va bien. Tirer sur les tétons d'Elaya, je ne l'ai jamais trop fait. Je copie Bussy. On vrille les tétons chacun notre tour, à toi, à moi. Elaya gémit doucement. C'est mieux que l'opéra comme bande-son. J'empoigne le sein à pleine main et j'avance mes lèvres. J'aime bien téter. Du coin de l'œil, je vois les doigts de Bussy continuer à jouer sur l'autre aréole. Avec la paume, elle caresse le dessous du globe. Je lui prends la main et je descends avec elle vers les nymphes d'Elaya en écartant lentement le peignoir. On se répartit tacitement les petites lèvres. On les descend ensemble et on remonte en les écartant. Une fois, deux fois, autant de fois qu'on a envie que nos doigts se frôlent. La musique d'Elaya nous guide. Du plat du pouce, je décalote le capuchon, le clito apparaît. Il est tout rose, tout nacré, murmure Bussy. Oui, il est mignon, mais il est un peu rétif. Je m'en occupe, d'accord ? Bussy fait la moue. J'en ai un aussi, je sais comment ça marche. Je souris. J'ai mis un peu de temps à comprendre comment bien branler Elaya. Il y a un geste, une certaine pression. Sinon, on y passe des heures et ça ne fonctionne pas. Je te montre juste. Tu t'occupes du bas ? Elle fait glisser ses doigts sur les nymphes d'Elaya. Plus bas. Le vagin, ça ne lui fait pas grand-chose. Descends encore. Bussy me jette un regard un peu surpris. Ça ne doit pas faire partie de son inventaire érotique. Mais je connais Elaya. Son septième ciel a deux clés, l'anus et le clito. Donne-moi tes doigts. Bussy me tend son index et son majeur. Je les lèche. Je les suçote. Je les couvre consciencieusement et je les lui rends. C'est parti. Je me concentre sur le clito. Pouce qui décalote le plus possible et index qui tamponne doucement. Le bassin d'Elaya se met à onduler. C'est le signe que Bussy sait s'y prendre avec les muscles de l'anus. Je suggère, tu peux lui en mettre deux. Elle sourit, c'est déjà fait. Puis, sans un mot, on se coordonne. Les doigts de Bussy donnent le rythme. Le bassin d'Elaya suit le tempo. Et moi, j'essaye de rester sur le grain de riz. Elaya ondule. Elaya chante. Ça m'excite. Je regarde Bussy. Ça te gêne si je me branle ? Elle me sourit et fait non de la tête. Tu as compris pour le clito. Tu peux me remplacer ? Elle sourit encore. Je me libère de mon short. J'enserre le sein d'Elaya dans ma main gauche. Ma queue dans la droite. Ça me fait un bien fou de me branler. Je regarde comment Bussy s'y prend avec le clito. Pas du tout comme moi. Elle fait rouler le clito sous le capuchon. Mais vu le niveau d'excitation d'Elaya, la technique n'a plus vraiment d'importance. Je découvre que c'est beau, des doigts aux ongles vernis sur un clito. Bussy continue son doigtage dans l'anus, sans forcer l'allure. Je cale ma branlette sur son rythme. Elaya chante toujours. Je vois une ride horizontale très nette se former au milieu de ses abdos. Je la connais, cette ride. C'est l'annonce qu'Elaya va jouir. Je me branle plus fort, plus vite. Elaya renverse la tête, ouvre ses lèvres pour son dernier râle. Je force sa bouche. J'y éjacule de toutes mes forces pour jouir en même temps qu'elle. Il y a un silence. Des souffles appuyés. Bussy retire ses doigts de l'anus d'Elaya. C'est comme un déclic. Elaya respire un grand coup, rajuste le peignoir, se lève, file vers la cuisine. « Bon, j'ai vraiment la dalle, je vais voir ce qu'il y a à manger. » Elle est partie. Bussy reste figé, les deux doigts en l'air. Encore sonnée par mon orgasme, je lui tends machinalement mon short pour qu'elle s'essuie. Elle nettoie consciencieusement chaque doigt, sous les ongles aussi. Elle regarde son vernis. J'ai cru qu'elle allait me casser les doigts quand elle a joui. C'est fou comme son anus se contracte. Je souris. Et toi, tu n'as pas joui ? Elle regarde encore une fois son vernis, se réinstalle confortablement dans le canapé. Tu es gentil, tout va bien. Je me finirai tranquillement cette nuit.